Sama gars, qui m'ont bien accident dans le monde, quoi. Accident, bon, mon gars, fan. On a regardé, on est nec, fuck, quoi. On est tué, fuck, n'a gagné, watch, voir, je le fais, on est bien, genre, on est bien, genre, on est bien, genre, on est bien, genre, dès le week-end, quand des accidents, on est étudiant, on est bien, genre, on est après-midi, on est bien, genre, accident, on est bien, carapit. Ouais, c'est un temps qui est tam, dread, du fort, genre, accident, grave, quoi. Ben itu yang adoh anak dia nak kos belum sih kalau jaga nyai bilang itu mungkin enak kuah darah dalu kuah apa rama undal gen nak kos begin neni regan call affair guy ni lu ada lenda ini santi ya lu bah nak sedang bilang mu grave ni kan darah dalu mu non franchement je remercie le bon dieu quoi kamu neni rek kamu tahu binokulo tahu binat binokulo je sais pas si vous vous rappelez quoi mu neni rek for binokulo quoi xam fekk lëntu dafa daanu dal ñuy xool waaji quoi waaji dal dafa for binocle rek teg si nopp yi quoi lëntu daanu quoi mu foraat takkaat lëntu daanu waat foraat takkaat lëntu daanu waat waaye rek waaji tege loxoom quoi ndekete booy waaji waaji nopp yi ñoo dem quoi ñaari nopp yi ñoo dag si accident bi waaji ne wuu santatuma dara